fait jaillir les vagues en gerbe d'écume. Rebonjour à la lune, toi qui nous allumes, l'amour et moi nous chantons le rire doré des poissons lune. Glidi glop glupi nibi nabi nupi la la la lolo. Ça va si bien ça va. Bonjour toi la lune, toi qui de là-haut fais filer nos rêves en fusée nocturne. Bonjour toi la lune, toi qui nous apporte chante, chante, chante.